n'était pas des plus mauvais. Cette nuit, le sommeil de sa présence m'honorait. Cette nuit, mon ami était bien au rendez-vous. À mes grands yeux ravis, elle donne une lueur floue. Et Morphée bien gentil, c'est pour moi fête câline. Et son cœur de déesse fait jaillir de moi la liesse. Et Morphée bien gentil, c'est pour moi fête câline. Et son cœur de déesse fait jaillir de moi la liesse. Ce matin, bien heureux, lorsque j'ai ouvert les yeux, je t'ai vu près de moi, mais je n'en revenais pas. Je t'ai vu endormi dans mes bras au creux du lit. L'émotion, le frisson, que c'est bon. Mais mon cœur cette nuit, dans le calme s'est endormi. Le visage de Morphée par le tien est remplacé. Et mon cœur cette nuit, dans le calme s'est endormi. Le visage de Morphée par le tien est remplacé. Le vide de la nuit, les mots volent comme à l'automne. Les visages endormis s'illuminent quand tu souris. Et l'horloge implacable nous rappelle que le temps qui s'étiole, qui s'étale, ne nous en laisse pas tant. Et la nuit infinie, entraînée par ce coucou, laisse la place aux fourmis, c'est avant de devenir fou. Et la nuit infinie, entraînée par ce coucou, laisse la place aux fourmis, c'est avant de devenir fou. De les voir dans le noir s'abîmer dans cet ennui, ça me donne le cafard, je m'enferme et je les fuis. Je ne vois que les ombres de tous ces fous qui sourient à leur maître petit nom de puissant qui les oublie. Et mes yeux dans la nuit ne voyaient que les lueurs de ton corps, de ton cœur, de l'union de nos envies. Et mes yeux dans la nuit ne voyaient que les lueurs de ton corps, de ton cœur, de l'union de nos envies. Le réveil n'était pas des plus mauvais. Cette nuit, le sommeil de sa présence m'honorait. Cette nuit, mon ami était bien au rendez-vous. À mes grands yeux ravis, elle donne une lueur floue.